Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'IRQC 95 FM avec vous jusque 22h Scream pour l'émission Rive d'Enfer. Et aujourd'hui, je serai accompagné de Julie Lesage qui viendra vous parler de l'association Écoute ton cœur l'activité qui va tourner autour de Écoute ton cœur de rocker. Bah oui, on va sûrement pas écouter ton cœur de valseur. Bah, quoique, peut-être si on écoute et qu'on regarde le film Les Valseuses, pourquoi pas, mais ça, c'est un autre débat. Alors, au programme de l'émission, beaucoup de nouveautés et bien entendu, on vous parlera de cette petite association qui mérite vraiment d'être plus connue que ça. Donc juste avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, on retrouvera bien entendu la slasher song, la balade crapuleuse et plein de nouveautés. En parlant de nouveautés, on va commencer avec le nouveau Glenn Hughes et l'album s'appelle Resonate. On va s'écouter Flow et après on va commencer et rentrera dans le vif du sujet avec Julie. Yeah. On reconnaît la patte de monsieur Hughes, Glenn Hughes, avec l'album Resonate, avec le titre Flow. Voilà, alors on va d'abord se présenter. Hein. Bonjour Julie. Bonjour Eric. Bonsoir plutôt, excuse-moi. Ouais, c'est l'heure. J'ai pas d'heure moi, tu sais. J'ai jamais eu d'heure, voilà. En forme ? Super en forme. Voilà. Donc tu viens pour nous parler de l'association et puis aussi des activités qui vont tourner autour de Écoute ton cœur de rocker. Voilà. C'est quoi comme association ? Elle est d'où ? Son origine ? Depuis combien de temps elle existe ? Voilà. Alors, l'association s'appelle Écoute ton cœur. C'est dans le secteur Mametz, donc c'est en France. Hein. Mm-hmm. On est venu un peu en Belgique parce qu'on a des amis en Belgique, n'est-ce pas Eric ? Tout à fait. Voilà, on est français, donc pour le coup. Et l'association s'occupe donc d'enfants autistes, voilà, depuis 2008. Ça a été créé en 2008. Et ils vont vraiment aller tabler sur tout ce qui est activité. Donc activité vraiment thérapeutique et hors thérapeutique, quoi. Donc vraiment tout ce qui est même aller faire taper un tuyau dans un ballon lors d'un match du LOSC, par exemple, au stade. D'accord. Pour lancer le match. Mmh. Donc ils ont vraiment plein d'activités différentes autour des enfants autistes. Ils font aussi les journées mondiales forcément de l'autisme qui tombent le 2 avril. Donc, je pense que c'est pas mal de le préciser. Mmh. Ils font tout ce qui est équithérapie, donc la thérapie par le cheval. La musicothérapie, donc aussi par le festival. Oui. Ils les emmènent au cirque, Arlette Grusse, le match de Lille, j'en ai parlé. Et également réaliser des cadeaux pour les fêtes des mères, fêtes des pères, avoir des sports adaptés, la musicothérapie, un petit peu tout ça. D'accord. Voilà. Et tu es là ce soir aujourd'hui parce que, justement, bon, tu parlais de la musique, c'est des enfants aussi qui sont tout à fait comme les autres pour moi. On est tous égaux, qu'on soit noir, blanc, vert, quoique peut-être des martiens, on ne sait jamais. Ah non, pas les verts. Hein. Mais je veux dire, on est tous égaux et eux aussi, ils ont droit à leur plaisir et aussi, ils aiment bien la musique. Et justement, l'association se tourne aussi du côté musical. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'ils organisent un concert, on va dire hard rock, rock. C'est ça, un concert, enfin un mini-festival, on peut le dire. Oui. Donc un festival d'une après-midi qui s'appelle donc Écoute ton cœur de rocker. On a rajouté de rocker, où on a du rock et du hard rock. Je suis là principalement parce que à l'origine, je suis donc manager du groupe Alexpander qui joue donc ce samedi. Et j'ai été vachement touchée en fait par cette association et par ce festival. Donc j'ai pris l'initiative aussi de mon côté d'essayer de venir en parler un petit peu autre part à la radio et dans divers médias. Voilà. D'accord. Et justement, en parlant musique, est-ce que c'est leur première tentative ou ils ont déjà fait des festivals ou des concerts pour ces enfants ? Alors le festival, c'est la cinquième édition. Cinquième édition déjà. Plein de petites anecdotes. Donc, pour la première année, ben, comme tous les festivals, ça démarre doucement. C'est-à-dire que ça s'est fait dans un tout petit village et c'était vraiment restreint, on va dire. Mm-hmm. La deuxième année, ça a été leur meilleur, pour le coup. Ils ont réussi à comptabiliser 1500 euros pour l'association, ce qui est quand même plutôt pas mal sur un festival d'une après-midi. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Sur la troisième édition, ils sont tombés le même jour que le Téléthon. D'accord. Et sur la quatrième édition, donc l'année dernière, ils sont tombés le lendemain du Bataclan. Donc, autant dire qu'il y a eu très très peu de monde, puisque les gens avaient un peu peur de sortir. Quoi, et puis, ils étaient surtout choqués aussi, à mon avis. Ouais, c'est pas tellement la peur de sortir, c'est le choc. Parce que, bon, on a toujours, malheureusement, dramatisé, et plus en disant c'est de la faute du métal. Enfin, bon, on va pas rentrer dans on va pas épiloguer sur ce genre de choses. Quoi. Donc là, c'est la cinquième édition. Juste avant de parler des groupes, on va un peu parler aussi. À quoi ça va servir les fonds si éventuellement l'argent récolté pour ce festival, pendant ce festival, à quoi ça va servir ? Peut-être qu'on va en parler par après, on a le temps, on est ici jusqu'à 22h. On va d'abord s'écouter une page musicale avec Herman Rarebel. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui le connaissent, c'est l'ancien batteur des Scorpions. C'est le deuxième, hein. C'est pas le premier, c'est celui qui a fait des gros cartons avec Love Has First Things éventuellement, qui a fondé un nouveau groupe. qui s'appelle Rock Wolf. Et on va s'écouter Surrounded by a Fool et on se retrouve tout de suite après pour continuer en parlant de Écoute ton cœur de rocker, parce que moi ça m'intéresse énormément de voir aussi que nous en tant que métalleux on a aussi un cœur, et comme on dit, un cœur de rocker quoi. Voilà, il y en a un qui le chantait bien, mais bon, j'aime pas tellement parce qu'il se prend pour une chèvre. C'est Julien Clerc avec Ton cœur de rocker. Bah, ça fait du bien quand même, Rock Wolf avec Surrounded by Fool. Donc voilà, on retrouve Julie. Donc on a un peu dégrossi ce qu'est l'association. Maintenant, je voudrais bien moins poser un peu la question. Tous les fonds qui vont être récoltés ce soir-là, cette journée-là et ce soir, parce que tu dis l'après-midi, mais à mon avis, on est parti jusque, à mon avis, un bon minuit quand ouais, même. C'est hein. Plus, enfin, je dis l'après-midi, mais parce que bah, nous, on y va en tant que bénévole toute la journée en fait, donc toute l'après-midi, l'ouverture des portes est à 20h. Donc, l'ouverture des portes est à 20h. Ouais, donc, ouais. On va dire, c'est un festival de nuit. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Tous ces fonds vont servir à quoi, au juste? Alors, l'intégralité des fonds, que ce soit bien sûr sur l'achat des places ou l'achat de la buvette, de la friterie, la petite restauration qu'il y a sur place, l'intégralité est reversée à Écoute ton cœur, donc. Qui va servir à certainement payer tout ce qui est place de cirque, dont on parlait tout à l'heure, ils vont au cirque, l'équithérapie, donc faut bien payer les séances de cheval, tout ça. Tout le monde ne fait pas tout bénévolement. Oui. Donc pour le coup, voilà, ça sert vraiment à payer leurs cours de sport et vraiment à faire travailler l'association qui ne fait travailler que des bénévoles aussi. Donc ça leur permet d'avoir des ressources autres que les dons éventuels de personnes autour. Quoi. On va juste rappeler, et ça c'est bon à savoir, que tous les groupes viennent bénévolement jouer. Oui, bien sûr, tous bénévolement. Tous bénévolement, qui viennent de Titi Ouzou, tout n'importe où, ils viennent, ils posent leur matos et ils sont là pour faire le show pour ces enfants. Voilà. Exactement. Tu parlais on a parlé de tickets d'entrée, maintenant on va peut-être demander, je vais te demander à combien s'élève le ticket d'entrée, est-ce qu'il y a des préventes, est-ce que maintenant ça change sur place ou pas? Alors oui, en effet, il y a des préventes et il y a un prix sur place, donc le prix de l'entrée sur place est de 6€. Oui. Et la prévente est à 4€. Alors je sais pas si on peut citer le nom du tabac ou ça. Vas-y. Voilà. Donc les préventes se font de trois manières différentes. Alors il y a le tabac, le graffiti à Mametz, le Logic Guitar et Friends à Longness. Et il y a également une prévente par téléphone. Alors j'ai l'autorisation pour donner le numéro de téléphone. Vas-y, tu peux. Donc ça se passe au 06 07 73 79 81. Et donc là, vous pouvez aussi acheter vos tickets en prévente par ce numéro. On va dire 0033. Autant pour moi. Donc c'est un numéro français. Donc allez, je le répète avec le 0033. Et on va essayer de le dire en belge, comme on dit. D'accord, pas de souci. On va se marrer. Alors là, enregistrer, c'est une française qui parle, ça va être marrant. Donc 0033 6 07 73 oui. 79 80. Voilà. Et donc là, vous pouvez réserver vos places, c'est ça? Ou les commander, ils les envoient ou ils réservent des places? On réserve des places et dès qu'on arrive, on prend. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Dessus, je ne saurais pas dire. Voilà. Donc surtout, franchement, pour 6€, venez quoi. Venez, c'est pour une bonne cause quoi. Vous mettez bien ce prix-là pour un paquet de clopes. Franchement, jetez vos clopes et ça, c'est pour une bonne œuvre. Quoi. Voilà. Après, on parlera un petit peu des groupes parce qu'il y a quand même des groupes très intéressants à aller voir, à écouter, à passer une bonne soirée. Ouais, c'est assez divers. C'est assez divers, assez varié. Il faut savoir qu'il y a un tribute. Il y a un tribute dedans. D'autres groupes, c'est tout. On en parlera tout à l'heure, mais c'est tous des groupes qui viennent de naître pour certains. Et d'autres qui ont peut-être déjà de la bouteille, donc il y a pour tous les goûts, et voilà. Donc après on pourra parler aussi de ce qu'on peut retrouver peut-être en restauration, si tu le sais, ce que les gens pourront déguster, boire, voilà, il y aura tout ça, franchement c'est pour la bonne cause, et encore une fois j'insiste, nous les rockers, comme vous dites, on a un cœur, et ça... On ne l'enlèvera pas et c'est très très important. On va s'écouter encore un extrait musical et après on passera à la Slasher Song. Il n'est pas là mais à chaque fois il nous sélectionne un titre, donc on écoutera son titre. Mais avant ça on va s'écouter le groupe FM, un vieux groupe des vieux de la vieille. L'album s'appelle Indiscreet 13 et on va s'écouter Frozen Earth. Moi j'ai pas mon cœur gelé, en tout cas pas du tout. Voilà, et c'est fait pareil pour c'est la semaine prochaine, c'est ça? Samedi prochain, ouais. Samedi prochain, c'est... C'est tout proche. C'est tout proche, c'est... Oui, c'est dans... C'est le samedi 12, donc... Dans 5 jours. Dans 5 jours, voilà. En espérant qu'ils vont réussir aussi avec le temps, parce que... ça va être un peu galère pour le temps s'il fait froid et qu'il gèle. Voilà. L'avantage, c'est que c'est en intérieur. Oui, mais je veux dire pour la route. Pour la route, ouais. Voilà. Ouais. Allez, FM avec Frozen Earth, c'est tout de suite, c'est maintenant et on se retrouve tout de suite après. Ah, Fools on Earth, l'album s'appelle Indiscreet 13, c'est le groupe FM. Donc voilà, juste avant de continuer en parlant un petit peu des groupes qui vont venir jouer, on va s'écouter la Slasher Song. Et aujourd'hui, ben, notre Slasher, il a tout simplement choisi un titre d'un groupe qu'il affectionne très particulièrement. Il s'agit du groupe In Flame. On va s'écouter Through My Eyes. Voilà, il nous a dit, ben, aujourd'hui, ben, tu mets ça, ça me fera super plaisir. Je ne serai pas là, mais la semaine prochaine, je serai là, donc je pourrai plus en parler. Parce que bon, après, il va vous, comme d'habitude, hein, il vous parle un peu du groupe, de la naissance du groupe, ce qu'ils ont fait, avec qui ils ont joué, tout ça. Là, on va s'écouter sa Slasher Song, et après, on se retrouve tout de suite après, donc, avec Julie. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était le choix du slasher avec Through My Eyes, les In Flames. Donc voilà, on se retrouve avec Julie hein, qui va nous parler un peu plus des groupes maintenant que vous allez pouvoir voir et ou découvrir sur scène. Parce que bon, pour ma part, je ne connais pas tous les groupes, nous n'avons pas la science infuse. Voilà, donc ça commence à quelle heure et ça ouvre avec quel groupe ? Alors, donc ouverture des portes à 20h, donc ça commence un petit peu après quoi. On va vous laisser le temps de boire un petit verre quand même. Même 2-3. Hein, ouais, même 2-3. Tant 3, que c'est en modération, voilà. Puis tant qu'on reprend pas le volant juste après avec l'alcool dans les bras. Alors, le groupe qui ouvre s'appelle DCA. Donc, c'est un groupe qui a été fondé en 1985. Donc, ça fait un petit moment déjà maintenant. Oui. Ils ont une vingtaine d'années d'absence, par contre. Donc, ils sont vieux, mais tout jeunes. Et ils reviennent avec leurs anciens titres. Et avec un nouveau guitariste, assez jeune, donc avec de nouvelles compos un peu différentes de ce qu'il faisait à l'époque. Donc il va y vraiment y avoir sur ce groupe deux styles avec deux influences bien distinctes du fait qu'il y ait un nouveau guitariste, mais tous les autres membres sont les membres originels. Et c'est quel genre DCA ? Alors c'est vraiment du hard rock pour le coup. Ça bombarde ouais. quoi. Ouais, ah, ça bombarde DCA. Pas mal. Ouais. Oui, joli, mais enfin bon bref. Ouais, la DCA, tu sais, la DCA que ça tire sur les avions quand pendant la guerre, c'est d'accord, ouais, voilà, exact. Donc voilà, oui, c'est un peu ça aussi hein, pour le coup. Donc c'est du hard rock quoi. Ouais, ouais, du hard rock. Chanté en français, en anglais, très bonne question, je les ai jamais vus en fait. Donc ça sera une découverte pour moi aussi, ouais. Découvrir. Ça va être une belle découverte, je pense, parce que on a fait une réunion justement pour ce festival où j'ai découvert le bassiste qui est super sympa et il m'a dit que les autres membres du groupe avaient la même façon de penser que lui. Si c'est ça, je pense qu'on passera un super moment parce que ouais, vraiment à découvrir. J'ai hâte de les voir parce qu'ils étaient vraiment sympas. Ils n'ont pas hésité à tout de suite proposer leur matos pour l'expander à prêter. Alors, ils étaient vraiment au taquet, donc cool quoi. Hâte de les découvrir. D'accord. Deuxième groupe. Deuxième groupe, donc, All Expander, hein, dont je suis manager, qui était créé en 2012, ouais. Avec Guy, qui est là en train de nous écouter du coin de l'oreille, discrètement, donc qui a la guitare, Jay, qui va être au chant et à la basse, et maintenant, depuis un an, François, qui a la batterie. D'accord. Donc, un renouveau, je pense, depuis cette année où François est arrivé. C'est différent, c'était bien avant, c'est tout aussi bien maintenant. Mais c'est différent. Ils ont un trio alors ? Ouais, un trio, un power trio, on peut le dire. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'ils ont repris un envol depuis l'arrivée de François, ça leur a fait du bien. Et là, avec l'album qui arrive à partir de janvier, février, ils ont vraiment tapé dans la fourmilière, donc ça c'est cool. Ils ont vraiment influence ? Alors, influence, on a du slash au niveau de la gratte, hein, on a vraiment du guns, on a un peu de tout. Il y a énormément d'influence. Ils ont tous joué dans beaucoup de groupes avant, et même d'autres groupes à l'heure actuelle, en plus de All Expander. Donc ils vont vraiment se trouver dans du hard rock, metal glam, dans certaines chansons, mais vraiment de loin. C'est parce que je connais bien le groupe, donc j'ai les petites connotations qui me viennent comme ça. Ouais, vraiment, ça resterait. Si je dois en mettre un, c'est Guns. D'accord. De toute façon, on écoutera un extrait tout à l'heure. Hein, ouais. Voilà. Mais bon, c'est pour un peu donner l'eau à la bouche aux auditeurs et surtout pour ceux qui se bougent un peu le cul pour samedi. Voilà. Troisième groupe. Alors, troisième groupe et dernier, donc tête d'affiche, c'est Tokyo Tapes. Oui. Qui a été créé en 2012 aussi. C'est un tribute de Scorpion. Oui. Scorpion, époque Uli John Rhodes. On va dire ça comme ça. Plutôt. Ils font vraiment tout le répertoire. Tout le répertoire. Ouais, je dois leur tirer le chapeau parce que qu'on soit fan ou pas des tributes. Alors j'entends déjà les râleurs, les tributes. Et Eric le premier. Et, oui. Et bon, t'as raison. Hein, c'est vrai qu'un tribute, ça reste un tribute comme on dit. Mais ils le font vraiment bien. Je dis pas ça parce qu'ils font le festival. Je les ai déjà vus. Honnêtement, j'ai pris un pied d'enfer alors que je suis pas spécialement fan des tributes non plus. Et c'est vrai qu'ils le font très très bien, ils reprennent tout le répertoire. Donc ça, on peut... Moi, c'est parce que bon, je t'ai expliqué, mais en plus de ça, Scorpion, c'est mon groupe fétiche. Voilà. C'est le premier disque que j'ai acheté, j'avais 6 ans, Scorpion Taken by Force, en 1977, si mes souvenirs sont bons. Donc, non, j'avais pas 6 ans, j'avais un peu plus. Mais voilà, donc ça remonte quand même. Et, ouais. Un peu difficile pour toi, du coup. Un peu difficile pour moi, surtout. Je peux comprendre. Voilà. Bon. Donc c'est les trois groupes qui vont jouer. Donc on écoutera un extrait tout à l'heure de All Expander. On continuera à parler un petit peu de ça, de l'activité, après ce qu'on va pouvoir découvrir là sur place, parce que je suppose qu'il y aura aussi des merchs où les groupes vont pouvoir vendre leurs produits, des t-shirts, des CD, des EP, des choses comme ça. On va en parler tout à l'heure. On va d'abord s'écouter. Lui, c'est un vieux de la vieille. Ils sont un peu tombés des nues l'année dernière. Bientôt un an, ils perdaient leur grand pote Lemmy Kilmister. C'est Mickey D et Phil Campbell. Bon, là, Mickey D, lui, il est parti chez les Scorpions. Le vrai Scorpion, batteur, qui est reconnu officiellement maintenant chez Scorpion. C'est un peu bizarre parce que Scorpion, on dit qu'ils arrêtent et puis ils le font passer batteur officiel des Scorpions. Donc, à mon avis, ils ne sont pas prêts d'arrêter. Tout simplement parce que James Kotak se soigne de son cancer et de son alcoolisme. Et Phil Campbell, lui, il a sorti un nouvel album, un nouveau groupe qui s'appelle Phil Campbell and the Bastard Sun. Ça me fait un peu penser même à Son of Anarchy, un peu la pochette comme ça. Hein. Et on va s'écouter, c'est un EP, on va s'écouter Big Moose donc de Phil Campbell. Et on se retrouve tout de suite après. Il envoie du lourd quand même hein, le père Campbell, Phil Campbell and the Bastard Sound avec le titre Big Moose. Franchement, une véritable tuerie. Uppie. Alors, Julie, parle-nous un peu de ce que les gens, s'ils arrivent le ventre vide et la gorge sèche, est-ce qu'il y aura de quoi se restaurer? Ouais, alors il y a une buvette. Donc, avec les incontournables, comme je te disais, donc bière. Non, je déconne, on a des softs aussi. Mm-hmm. Donc, il va y avoir une bonne petite buvette tenue par les bénévoles, par une partie des bénévoles. Et une petite restauration où s'en souillera des sandwichs qu'on prépare nous-mêmes. Oui. Je dis nous-mêmes parce que je me suis mise du coup bénévole pour le concert, au-delà d'être là pour l'expander. Et on va faire, à partir de 14h, on va préparer vos bons sandwichs. Donc je peux vous dire que ça sera du fait maison pour le coup. D'accord, et il y aura quoi, les sandwichs comme d'habitude, là, sous mon jambon, fromage Tout ça, ouais. Voilà, voilà. Peut-être même un peu plus. Voilà, donc si vous venez même, vous avez de la route à faire, bah, vous ne tracassez pas. Les sandwichs seront là pour vous restaurer. C'est il y ça. En aura en quantité. Justement, c'est une salle qui peut accueillir combien de personnes ? Alors, la salle, elle est en capacité entre 300 et 400 personnes. À savoir que généralement, sur ce type d'événement, sur cet événement en particulier, ils oscillent entre la mauvaise année où ils ont eu 150 jusque 300 personnes à peu près. Donc à mon avis, on va dire que là maintenant c'est redevenu au beau fixe. On va parler comme ça. Hein. Ouais, quand même, j'espère bien. On espère, hein, parce que bon, des mers sur le coin de la gueule, on en a pris assez pendant en 2016. Donc, on va laisser 2016 tout doucement se terminer. Mm-hmm. Et donc, on espère avoir grand monde. Donc, on parlait des softs et tout ça. Maintenant, je suppose que chaque groupe aussi, si vous aimez, auront du merch. Éventuellement à disposition du public. Ouais, alors pour DCA et Tokyo Tape, je ne sais pas ce qu'ils ont exactement en merch, mais bien sûr qu'il y aura forcément des ventes de P, de t-shirts et autres objets du groupe. Pour l'Expander, là je peux me permettre de le dire puisque je connais un petit peu mieux quand même, on attend vraiment la sortie de l'album pour sortir vraiment toute une collection de merch nouvelle. Pour d'accord. Ne pas ressortir de l'ancien. Mais je suppose que si les personnes accrochent le EP, il y aura quand même le EP qui sera disponible à la vente. Ah, il y en a très peu. Il y en a très peu, donc ça peut être collector. Tu fais partie des chanceux. il va nous en rester à tout péter une vingtaine, je pense, une dizaine, une vingtaine. On fait signer une dizaine, donc. C'est bien. Il y en aura très très peu. Ben, c'est bien. Petite question comme ça. Si les personnes veulent prendre des photos souvenirs, je suppose qu'ils peuvent rentrer avec leur appareil photo sans problème. Il n'y a aucun souci, les bienvenus avec leurs appareils photo, leurs caméras et autres accessoires. Non, parce que bon, des fois, il y a des groupes qui ne veulent pas, malheureusement. Donc c'est pour ça que je permettais de poser la question. Ouais, c'est vrai. Mais là, non, vraiment, cette ambiance, je te dis, quand on nous a dit, ouais, faut venir à la réunion et tout, j'avoue, et là, l'organisateur va m'entendre dire ça, donc il va le découvrir. En même temps que toi, mais j'avoue qu'on a pensé, oh la vache, toute cette route, parce qu'en venant de Cambrai pour moi jusqu'à la Mamette, ça faisait un bout. Et je me suis dit, oh là là, toute cette route et tout, pour une réunion qu'on aurait pu régler les choses par mail, pour les groupes du moins. Oui. Et puis au final, je suis pas mécontente du tout d'y être allée, parce que honnêtement, super ambiance. Bon, c'est moi qui fait du bruit, excusez-moi. Bah ça y est, casse-tout. l'organisateur et les bénévoles sont super sympathiques. Honnêtement, on a été reçus comme des rois alors que c'était juste une réunion, quoi. Donc j'imagine samedi ce que ça va pouvoir donner, donc ça va vraiment être cool. Justement, j'ai une question, peut-être que tu ne pourras pas toi y répondre, mais enfin je vais quand même essayer, hein. Mm-hmm. Qui ne demande rien, qui n'essaye rien à rien. Ça demande combien de temps de préparation, justement, un mini-festival comme ça, avec trois groupes, le temps d'organisation. La personne qui organisait ça, on peut citer le nom. Julien Boucher, voilà. Entre autres. Il est dessus depuis combien de temps, plus ou moins ? Alors, depuis plusieurs mois, et j'avoue que là, on parle de cette date, mais il voit déjà pour l'année d'après ce qu'il va pouvoir commencer à mettre en place en plus de cette année, suivant ce qui va fonctionner, ce qui va moins bien fonctionner, parce qu'il y a toujours des couacs, quoi qu'il arrive, que le public ne voit pas forcément, mais il y a toujours des couacs. Mmh. Donc là, il réfléchit déjà à l'année prochaine, de dire on peut faire ça, parce que cette année, ça se présente bien, et on a déjà bien bossé là-dessus, malgré que la date n'est pas encore faite. On voit qu'il y a déjà des choses qui se découlent super bien. Donc c'est un travail, je pense, de toute une vie. À partir du moment où on commence, là c'est la cinquième édition, et je pense que ça fait 5 ans qu'ils pensent à ce festival. Pourtant, c'est qu'une demi-journée. Mais vraiment, il est à fond dedans. Après, ça dépend de l'application de chacun. Mais lui est très très impliqué. Donc pour le coup, c'est plusieurs mois à l'avance pour les groupes, pour l'organisation finale. Mais je pense qu'il y travaille à longueur d'année. Et si, par exemple, il y a des personnes qui nous écoutent qui voudraient rejoindre cette association, est-ce qu'ils peuvent le faire sans hésiter, ou alors ils peuvent passer par quel billet pour essayer de contacter Julien, éventuellement, pour essayer de donner un nouveau souffle ? Alors j'ai une réponse qui me vient avec le sourire, c'est il sera au concert, forcément. Mm-hmm. Donc s'ils veulent le contacter facilement, ils viennent au concert samedi à Mamet. Là, ça sera top, puisqu'ils vont en visu. Sinon, sur Internet, alors je te filerai les coordonnées. À ce moment-là, on pourra peut-être les mettre, il n'y a pas de problème. Oui. Mettre au moins son Facebook pour le retrouver assez facilement sur Internet. D'accord. Je pense que voilà, on peut facilement prendre contact avec lui. Il est toujours à la recherche de bénévoles. Là, on est 40 bénévoles pour le concert. Et c'est limite, c'est tout juste quoi. On aurait pu être plus, ça aurait été bien. Mm-hmm. Mais bon, les bénévoles, ça court pas les rues de nos jours. Donc s'il y a des volontaires, il n'y a pas de problème. D'accord. Juste avant de retrouver le titre de All Expander, on va d'abord s'écouter Niva, pas Nivea, mais Niva. Je ne cite pas de marque, hein, Niva, avec le titre Déjà vous, déjà vu. J'aime bien ce que les Américains ou les Anglais disent souvent Déjà vous, avec Atmospherical. C'est encore une petite nouveauté, on se retrouve tout de suite après avec All Expander. On en parlera un petit peu, parce que je vais en profiter parce que j'ai justement quelqu'un en studio qui fait partie du groupe. Donc on va un peu en parler deux petites secondes, pas trop, pour ne pas trop divulguer. Car l'album arrive incessamment sous peu. Voilà, c'est le titre de Niva avec Déjà vous, comme on dit. Je vous parlais tout à l'heure, on vous parlait avec Julie du groupe All Expander. Et on a le guitariste, c'est ça, en devant nous. Par contre, je dis ça comme ça parce que je sais pas, j'ai oublié de te demander ton prénom. En fait, on m'appelle Eddie. Eddie. Alors, non, bon. Eddie. Hein? Eddie. Eddie. Alors, bonsoir. Eddie, ça fait moyen. Voilà. Donc, tu vas un peu nous parler de quelques, en quelques mots, la naissance du groupe. Comment ce groupe a vu le jour? Alors, moi, ça faisait un petit moment, depuis 2009, hein, je jouais dans un tribute Guns, qui s'appelle Guns to Roses, donc sur Londres. Donc, je lui ai pas fait plaisir en disant que j'aimais pas les tributes. Non, mais je t'ai écouté. J'ai pas voulu trop dire. Donc, et puis, voilà, j'avais plein de compos en tête. Voilà, je voulais faire mon groupe, j'ai mis une annonce sur Facebook, et puis j'ai rencontré Jay, le chanteur. Et puis aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde, et voilà. Donc, vous avez sorti un premier EP 4 titres. Oui. Comment se passe la compo au sein de votre groupe? Est-ce que c'est toi qui amènes tous les riffs ou vous vous retrouvez et ça naît d'une jam? En général, ouais, c'est ça. J'amène des riffs, je les donne à Jay et puis Jay, en fait, bouleverse un peu tout le reste en amenant une ligne de chant. Et puis souvent, en fait, ce que j'amène en refrain, il les met en couplet. Et ce que j'amène en couplet, il les met en refrain. Et puis, ça donne un truc un peu improbable. Au final, c'est-à-dire que le titre n'a pas forcément la sonorité que moi j'en aurais eu et il a une bonne vision entre guillemets de la musique et du rock en général, quoi. Donc je lui fais confiance. Donc je suppose qu'un de tes idoles c'est Slash, peut... Exactement. Voilà. Gibson Les Paul, bien entendu. Exactement. Peut-être. Te considères-tu comme plutôt parce que je vais découvrir en même temps que je vais mettre le titre, hein, en tant que époque glams? Non, parce que le glam, c'était, y avait tout un visuel aussi derrière. Je parle pas visuellement, non, je parle glams, mais on va parler plutôt musical. Style un peu Van Halen, Guns, de la bonne vieille époque, de Appetite of Destruction. Ouais, dans l'esprit, dans mon jeu de guitare, ça se ressent un peu, mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs influences en même temps à l'intérieur. Et puis, comme j'écoute pas forcément que les Guns non plus. Donc on ressent en fait plein de choses, mais au final on arrive à se dire qu'on n'a pas forcément écouté ce genre de choses. D'accord. Donc, ça reste voilà, la guitare, de la basse, du chant, c'est très sobre. Donc même au niveau des enregistrements, on est très axé sur Led Zepp par exemple, pour avoir un truc très brut. Voilà. On joue pratiquement avec la distorsion naturelle. Pas le clavier, voilà, c'est la guitare, faut qu'elle soit la plus brute possible, faut qu'il y ait le moins d'effets possible. D'accord. Ouais, on espère que ça va bien vieillir dans le temps en fait. On va pas trop parler du groupe parce que comme Julie disait tout à l'heure, l'album va bientôt arriver, donc je suppose qu'il est déjà fini, il est composé l'album. Oui, complètement. J'ai encore quelques solos à faire et puis on a les chœurs aussi à faire. Les chœurs, donc à mon avis, je vous revenais en studio, on va dire courant début d'année. Et oui. Début d'année. Ça serait vraiment génial. Pour vous parler, pour nous parler de votre album, là vous viendrez à 3. Parce que vous êtes un power trio. Petite question, le retour de Guns, comment le ressens-tu, le retour des Guns? Alors c'est vrai que le retour des Guns avec Slash, ouais, j'ai été vraiment très très surpris. Au début j'y croyais pas. Et puis au final on a vu les dates, donc j'étais un peu... je me suis dit c'est un coup de pub. J'étais un peu sceptique, un peu... J'étais un peu, on va dire, je serais en reculons en fait si j'avais eu des places en limite. Alors que je suis vraiment grand fan de Slash et je suis allé là à tous ses concerts quasi quand il est venu en France et en Belgique. Je suis allé voir des vidéos sur YouTube et j'étais agréablement surpris. D'accord. Ouais, donc pour toi, c'est pas un coup. Je sais pas si c'est pas un coup, mais après, c'est vrai que je pense que là, j'aurais vraiment pris mon pied de les voir tous ensemble. En fait. Voilà. Moi, il me semble qu'il y a un petit peu l'appât du gain qui est là derrière, hein, quand même. Peut-être. Quand on voit Las Vegas, le prix des places, bonjour, quoi. C'est un peu comme Monsieur Phil Collins, à 260 euros les places pour aller le voir chanter. Je crois qu'il n'a pas besoin de pognon comme ça pour aller. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Maintenant, question. Ça te fait quoi de pouvoir jouer pour une association pour des enfants? Écoutez, moi j'adore les enfants, hein, j'ai deux garçons, je me suis souvent, j'essaie de les pousser un peu dans ce que j'aime, et puis ils sont un peu aussi une copie un peu de ce qu'on fait. Ensuite c'est vrai que malheureusement l'autisme, j'ai aussi une amie donc il y a un enfant autiste, et puis je serai de tout cœur avec eux, et puis si je peux échanger des choses avec eux, je le ferai avec plaisir. Donc vous allez jouer donc à Mamèze samedi, vous êtes en deuxième, à jouer. Exact. Est-ce que vous allez donc jouer vos 4 titres fatalement de l'EP, je suppose? Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi déjà à avoir un avant-goût des titres du futur album? Oui, complètement. D'accord. Des reprises aussi ou pas? Alors on fait deux reprises, on fait donc Communication Breakdown, donc de Led Zepp. Ensuite on avait des reprises tournantes un peu, on avait So Easy the Guns, voilà, je ferai par un de Slash. Voilà. D'accord. Le fait bien, je précise, il fait super bien. Donc on peut s'attendre vraiment à un bon set bien rock'n'roll du rentre-dedans. Quoi. Oui, très, ouais. Bah, je te remercie d'avoir parlé. On va pas trop en parler pour le moment. Par contre, on peut déjà retrouver votre... j'ai vu sur Facebook hein, et sur YouTube, on peut déjà vous voir, vous visualiser. On mettra tout ça en lien sur la page Rive d'Enfer. Et notre ami le Slasher fera une petite chronique de cette pie. Voilà, donc nous, on se retrouvera dans deux bons mois hein, pour l'album. Mmh. Et on aura une petite chance de vous avoir en acoustique ici, je le promets. Donc on va s'écouter le premier titre qui s'appelle You Gonna Scream. Comment s'est passée l'écriture juste de ce titre ? Alors l'écriture, c'est que ça c'est Jay qui s'en charge, hein, donc voilà, après comme le nom du groupe, voilà, c'est assez, assez rock'n'roll, hein, c'est Sex Beer rock'n'roll, donc voilà, ça parle de, voilà, des choses de la vie, du sexe en général. Voilà. Bah oui, ouais. Ça c'est sûr et certain. Ça pourrait l'expander en même temps. Ouais, mais non, mais je veux dire, bon, c'est l'époque justement, l'époque glam, ouais, c'était Sex, Drugs, Rock'n'Roll, comme disait même un groupe qui s'appelait Shotgun Messiah à l'époque. Mais c'est sérieux quand même, d'ailleurs, c'est pas, on est pas Steel Panther, on va plus au sérieux, entre guillemets, et puis c'est un peu comme Asdes, quoi, c'est pareil au niveau des paroles, il y a beaucoup de paroles aussi. D'accord. C'est du sexe sérieux, en fait. C'est du sexe sérieux, quoi. C'est du sexe couvert, on va dire ça comme ça. C'est ça. Allez, on va s'écouter le All Expander avec You Gonna Scream et on se retrouve tout de suite après. Et ben voilà, donc c'était All Expanded, donc sortez couvert, hein, si on va dire ça comme ça, du bon hard rock rock'n'roll avec une voix très très aiguë quand même, hein, très heavy. Donc si vous voulez en savoir un peu plus et les découvrir, ben, n'hésitez pas. Donc c'est à Mamèze, hein, c'est ouais, ça. C'est ça, exactement. C'est samedi à partir de 20h. Donc ne venez pas rien que pour eux, venez aussi pour tous les groupes. C'est ce que j'ai toujours. Apprenez à apprécier, même si on n'aime pas, on regarde le premier groupe, on va peut-être apprécier une ou deux chansons, et puis ouais, c'est comme ça qu'on commence à aimer les groupes, quoi. Alors, le prochain, c'est la balade crapuleuse, et après, on continuera à un petit peu parler de toutes ces activités et tout, parce que toi aussi, chez mec, tu chantes. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Tu pousses un peu la gueulante, je le sais. On fait le tour à chaque fois. Hein. Je peux pas venir sur le radio sans qu'on fasse le tour. C'est horrible. Hein. Voilà. Mais avant ça, on va s'écouter la balade crapuleuse, on va s'écouter un Guitar Heroes qui a du talent dans les mains, je ne dirais pas du talent dans le cœur ni dans le cerveau, parce que c'est une personne qui est un peu con comme de l'eau de roche. Je ne sais pas si l'eau de roche elle est conne, mais enfin, c'est un personnage qui est vraiment comme très spécial, mais c'est un foutu gratteux. C'est monsieur Malmsteen, Aiguille Malmsteen, et on va s'écouter Dreaming, c'est la balade crapuleuse de ce jour. Crossroads of forever. Monsieur Egwill Johan Malmsteen, Dreaming, bon, comme je disais, c'est une personne assez caractérielle, mais au grand talent quand même. Il est considéré comme un des grands guitaristes néoclassiques, un peu à la Monsieur Blackmore, si vous voulez. C'est vraiment le même tempérament et le même caractère. Voilà, il ne faut pas le faire chier, sinon ben, il vous en colle une. Alors, justement, je parlais deux secondes hors antenne, on parlait de musique. Je sais bien aussi, Julie, que tu fais de la musique. Donc, on espère un jour aussi te voir en studio. Ben, j'espère aussi. Hein, donc, si je peux me permettre de profiter. Hein, bon, là, c'est exclusivement en Belgique, mais j'ai testé. Mes parents sont en train de nous écouter à Aubourdin, donc c'est après Lille. D'ailleurs, j'en fais un petit coucou. Coucou, papa. Je te rassure, honnêtement, même à Courtrai, on passe. Donc, voilà. Ouais, voilà, donc, ça passe quand même assez loin. On passe assez loin. En fait. On passe assez loin. Et si tous les auditeurs viendraient à se mettre sur le canal 95 FM, donc 95 FM, tous en même temps, on peut toucher 1 million de personnes. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc recherche activement batteur. Hein. Batteur sympa, j'en avais un. Et voilà. Il a eu 2 enfants. Il a eu son 2e il n'y a pas longtemps. Son groupe qui a repris avec son frère. Donc je comprends qu'il puisse avoir envie de reprendre avec son frère un groupe qui marchait plutôt bien. Donc je tairai le nom parce qu'ils vont sortir bientôt quelque chose. Qu'on recevra peut-être en studio aussi alors. Oui, il y a peut-être moyen aussi. Ouais. et recherche bassiste aussi. Donc batteur-bassiste. En fait, on recherche tout ce qui fait du bruit derrière nous, qui est sympa et qui rigole bien. En fait, voilà. Bah, généralement, la batterie va avec la basse. Et la guitare, généralement, va avec le clavier et le chant. C'est con, mais c'est la basse accompagne la batterie, ça va comme ça. Voilà, c'est ça. Et là, on a gardé. Donc toi, tu recherches les deux, quoi, alors. Ouais. On a gardé toute la line-up et j'ai perdu mon bassiste pour des raisons très personnelles. Mm-hmm. Et mon batteur, comme je l'ai expliqué, qui a repris un projet de longue date avec son frère. Donc je lui souhaite d'ailleurs de réussir s'il nous écoute. Il connaît le fond de ma pensée et je souhaite qu'il réussisse. Si toi tu recherches un bassiste et un batteur, on peut dire déjà s'il y a des gens qui sont intéressés, mais de quel genre, dans quel genre musical tu recherches ? Alors, on fait maintenant de la compo, mais pour donner un petit exemple, au niveau des reprises, on faisait du AC/DC, du Maiden, du Radiohead aussi. Du Black Sabbath, parce que je voulais du Black Sabbath. Enfin, je leur ai demandé 2 titres de Black Sabbath. Mmh. En tant que chanteur, à l'époque, tu peux me comprendre, quand je disais Black Sabbath, j'entendais Dio, forcément. Funny. Voilà. Et ils m'ont claqué Ozzy. Donc, j'adore Ozzy Osbourne, hein, mais c'est tu chantes comme tu joues. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui sait jouer un petit peu de Black Sabbath version Ronnie James Dio, ça me va très bien. Mm-hmm. Et au niveau des compos, alors j'ai une voix, je sais pas si ça s'entend là comme ça en parlant. Un peu cassée. Voilà, j'ai une voix un peu cassée. Donc, j'ai une voix un peu metal trash des années 70. Mm-hmm. Et au niveau Zikos, on était plus ligne musicale, hard rock, metal trash. Vraiment. On s'oriente sur ce truc-là. Donc voilà, si vous recherchez, si vous êtes bassiste ou batteur, vous savez taper sur des fûts et que vous êtes prêt à vous consacrer à de la composition, d'abord à des reprises pour voir comment ça évolue, et puis après des compositions, ben, il suffit de nous contacter sur la page Facebook Rive d'Enfer et je ferai parvenir tout ça à Julie. Je t'en remercie bien. Voilà, donc si moi je vous dis par exemple Charlie Faber, Gus Mosanto, Phil de Brimont, Guillaume Pillet, ça vous dit peut-être rien. Grand Media Blackout, ça vous dit rien non plus. Mais c'est des gens qui ont joué avec des Led Zepp, c'est français. Et on va s'écouter You Can Quick Rock and Roll. C'est nouveau, c'est tout frais. L'album sort le 26 novembre. Et c'est une petite exclue sur Rive d'Enfer. Et vous allez voir, ça déboîte pas mal du tout. One more lie. Ben c'est ce qu'on appelle du bon rock'n'roll, You Can Quit Rock'n'Roll, le grand média Blackout. L'album sort le 26 novembre, retenez bien cette date car l'album il est vraiment, comme on dit, déchire sa race. Le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est l'album s'appelle Blood With Me. On va partir un peu du côté un peu indus, il y a certains trucs qui sont pas mal de ce côté-là. C'est Johnny Dead Shadows avec le titre Ghost et on se retrouve tout de suite après. Special effects, the blood in your veins, infected, replaced by Ah, ça fait du bien quand même par où ça passe. Johnny Dead Shadows avec Ghost, l'album s'appelle Blight With Me. Donc on va un peu rappeler quand même donc la femme, donc tu es là pourquoi aujourd'hui, surtout tu es là pour alors en premier lieu le festival Écoute ton cœur de rocker qui a lieu donc je le rappelle samedi qui arrive, donc le samedi 12 novembre, ouverture des portes à 20h. On joue pour l'association Écoute ton cœur en faveur des enfants autistes. Donc tout à l'heure on n'a pas vraiment parlé d'âge. Les enfants, ça va du plus petit aux adolescents, même jeunes adultes. Ils vont jusqu'aux jeunes adultes. Et petite chose aussi, on a parlé un peu des prix d'entrée. Vu que c'est un festival qui est en faveur d'enfants, ils ont mis l'entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Donc vous pouvez même y aller en famille, alors prévoyez des bouchons quand même, parce que c'est une salle qui... C'est pas prévoyez, c'est prenez des bouchons. Prenez des bouchons, oui, pardon. Bon, ouais, il faut le faire. Il faut le faire. Absolument, des casques même pour les enfants, je précise, parce qu'il faut faire attention aussi à sa santé et donc à ses oreilles. Et là, c'est vrai que cette salle, donc c'est à l'intérieur, vous l'avez bien compris, et elle a une très bonne acoustique, elle a une très bonne réverb, donc qui veut dire qu'elle résonne un petit peu. Donc n'hésitez pas, il va y avoir du son, n'hésitez pas à prendre vos bouchons et pour les enfants à prendre des casques. Parce que quand on a une crise d'acouphène, généralement c'est pratiquement fini pour tout le monde pour aller voir des concerts. J'ai des amis qui ont de l'acouphène, les concerts c'est fini même en plein air. Ah, puis les oreilles c'est hyper important, on n'y pense pas, mais c'est les concerts, c'est aussi la plongée, l'avion, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Très embêtant pour l'équilibre. Bon, des fois ça rend sourd, mais ça c'est autre chose. Mais bon, c'est vrai que pour les enfants, j'en vois beaucoup en concert. Même le mien, je tiens même à le dire, on ne se protège pas assez. Même nous, en tant que des fois photographes, on est devant la scène et nous, on a le caisson de basse qui vient nous broyer les tripes. C'est encore pire, quoi, pour nous. Donc, on n'est pas assez sérieux. Hein. On n'est pas assez sérieux. C'est vrai. En festoche. Et qu'on se croise tous les deux. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais plus. Mais bon, c'est vrai. Donc, les enfants de moins de 12 ans, c'est gratos. C'est gratuit. Ouais, exactement. Voilà. Donc c'est. Pas précisé. Je préfère leur dire. Et justement, en parlant des projets, j'espère que c'est un... On pourrait espérer, oui et non, comme on dit, qu'ils devraient arrêter ces projets. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'autistes sur Terre. Ce serait magnifique. J'adorerais, en effet. Voilà. Mais bon, dans l'avenir proche, ils compteraient toujours réaliser ça sur Mamé ou alors voir un peu plus grand. Avoir une petite idée. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle j'essaie de donner un petit peu de mon réseau, parce que je me suis construite un réseau au fil des années, un petit peu comme tout le monde, hein, mais c'est vrai que je bouge beaucoup sur le nord de Paris et en Belgique, Et c'est vrai que quand j'essaie de faire profiter à quelqu'un de ce réseau, j'y vais à fond. Donc là, on est sur 3 jours de radio. Ce soir ici, hier, une radio française, plus sur le côté de Cambrai, donc dans Cambrésie. Et demain, une radio qui est plus sur le côté du Douaisy, Douaisy-Bassin Minier. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir une écoute sur ce fest, parce que j'aimerais vraiment qu'ils arrivent à faire peut-être même encore un peu plus grand, d'essayer d'avoir peut-être, pourquoi pas, une journée de festival avec peut-être, attention, Tokyo Tapes sont très bien, mais une tête d'affiche un peu plus connue du grand public, et d'attirer encore plus de monde pour forcément avoir encore plus d'argent à reverser à cette association qui écoute ton cœur en faveur des enfants autistes, quoi. Mais moi, comme je dis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on montre aussi que le métal, le hard rock, le rock'n'roll est là aussi pour aider ce genre d'association. J'ai rien contre et je tiens bien à signaler que je félicite des activités comme le Téléthon ou le Cid Action, mais on voit toujours généralement des personnes de variétoche qu'on croise dans toutes les grosses chaînes de télévision ou des choses comme ça. Mais on ne verra jamais un métalleux ou quoi invité sur un plateau. Et je trouve qu'eux aussi, ils ont le droit, et il y a un public qui sera là aussi pour aider ce genre de choses. C'est pour ça que c'est bien aussi de signaler que c'est du métal, du rock'n'roll, qui font ça pour les enfants. Il n'y a pas que... J'ai rien contre, hein. J'aime bien des chanteuses comme Zaz, je sais pas moi, comme Akokoukou, Johnny ou quoi. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas que eux, il y a aussi des métalleux qui sont capables de remplir des salles et faire gagner de l'argent pour ces associations. Oui, après c'est vrai qu'au niveau, alors si je peux me permettre, en plus je suis en Belgique, donc ça me fait plaisir de pouvoir le dire à plein de Belges en même temps, pour le coup, parce que oui, j'adore la Belgique et j'adore les Belges. Et ça me vient vraiment du cœur, enfin, tu sais, vraiment, t'es sincère. Et c'est vrai qu'on a un public, nous, malheureusement en France, sur le hard rock et le métal, qui se déplace de moins en moins, malheureusement, d'où aussi ma venue en Belgique, parce que je sais que ici, pardon, on a peut-être un peu plus de chance. Vous êtes un public qui se déplace encore, qui fait encore des kilomètres pour voir des concerts, et qui savait nous accueillir aussi, parce que j'étais à un concert, donc on parlait d'Evergrey justement, que t'étais voir il n'y a pas longtemps. J'y suis allée il y a 2 ans maintenant. Il passait à, alors j'espère que je vais bien le dire, à Marshmallow. Oui. Voilà, et j'ai fait tous ces kilomètres en venant de France pour aller à Marshmallow, pour aller voir Evergrey entre autres. Il avait dit Ola Renzi aussi, enfin il y en avait bien d'autres. Et ils étaient un peu étonnés déjà de voir une Française. Côté flamand, faut le dire. J'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit, je vais parler français, je vais me faire complètement écorcher, mais non, pas du tout. Ouais. Je sais qu'il y a encore une petite guerre, flamand, wallon. Ça va. Mais ça commence à s'atténuer. Et je dois bien avouer que j'ai été super bien accueillie. Oui. Un peu froid au début, j'avoue. Hein. Le premier quart d'heure était un peu difficile parce qu'ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment une bip de française comme la plupart. Et puis en discutant, en voyant que j'étais un peu décontractée du slip, comme on dit, et que je me prenais pas la tête, ils m'ont très bien accueillie, malgré que je ne parle pas un mot de néerlandais. Je me débrouille en anglais, mais voilà, quoi. C'était vraiment... ils m'ont accueillie, ils m'ont ouvert les bras, et on a passé une soirée d'enfer. Et voilà, je remercie... Enfin, pour la plupart des Français qui n'ont pas la chance de passer derrière le micro derrière lequel je passe, le public belge qui se déplace encore beaucoup, et beaucoup plus que nous. Donc je tenais vraiment à leur dire merci. J'espère que j'en verrai quelques-uns pour leur dire en face. Mais même si je vous vois pas, là je vous le dis à travers nos oreilles, à travers vos oreilles, merci beaucoup de se déplacer encore sur les concerts, parce que nous, le public français, est de moins en moins réactif. Nous, c'est les icônes qui bougent beaucoup en fait. Et surtout là, déplacez-vous, c'est pour une bonne cause. Voilà. Exactement. Alors on va s'écouter Graham Bonnet, qui est l'ancien chanteur de Rainbow, l'ancien chanteur de Michael Schenker, l'ancien chanteur de Alcatraz, groupe avec Steve Vai qui a commencé avec Alcatraz. Et là, il a sorti un nouvel album qui s'appelle tout simplement The Book. Et on va s'écouter Welcome, non pas To The Jungle, on ne regarde pas comme ça. Welcome to My Home. J'aimerais bien peut-être qu'il m'invite dans sa maison, pourquoi pas, mais quoique, c'est l'auteur comme un bon palais, il a quand même bien ramassé, monsieur Graham Bonnet. On y va ensemble. Okay. Voilà Graham Bonnet avec Welcome to my home. Ben, j'espère que tu nous inviteras un jour. Bon, on verra bien. Alors, donc on rappelle, le samedi à partir de 20h à Mamez pour Écoute ton cœur de rocker, on va dire ça comme ça maintenant, c'est ça. Écoute ton cœur de rocker. Une association qui existe depuis. Alors, Écoute ton cœur depuis 2008. Voilà. Donc il y a eu de. Est-ce que tu peux faire un petit peu une historique des groupes qui sont déjà passés éventuellement? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Désolé, j'en ai aucune idée. Voilà. Mais bon, il aimerait bien peut-être une fois faire venir un groupe un peu plus important, sans dire aussi que les groupes qui jouent là ne sont pas importants, parce que sans ces groupes-là, l'association n'existerait pas non plus et l'aide aux enfants. Mais ils aimeraient bien peut-être, je sais pas moi, de faire venir jouer Tokyo Tep, et pourquoi pas faire venir, on va dire ça comme ça, ADX ou Vulcain ou des choses comme ça, qui sont des groupes un peu plus importants pour attirer un peu plus de, Monde encore, pour, voilà, pour avoir des bénéfices plus importants pour l'association. Voilà. Nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc vous êtes 40 associés, 40 bénévoles. Ouais, il y a 40 bénévoles et il y a 22 commerçants qui sont partenaires de ce festival. Juste une question, est-ce que aussi côté sono et tout ça, ils sont aidés par des prêts de matériel ou aussi doivent se décarcasser pour essayer de trouver des sponsoring? Alors, bah, y a un ingé light et un ingé son qui viennent avec leur propre matériel, en tant que bénévole également. Donc ils passent, ils filent le matos, hein. Ça je tiens aussi à leur tirer le chapeau parce que... Ils travaillent ce soir-là. Ils travaillent, mais en plus... Enfin, ce soir-là, entre autres, la veille également, ils viennent monter, on monte la veille. Mm-hmm. Donc, ils vont bosser comme des malades d'arrache-pied. Mais en plus de ça, ils viennent avec leur matos, et ça, je tiens bien à leur tirer aussi mon chapeau, car c'est pas évident de voir encore des gens qui se disent, bah, je vais passer mon matos, c'est devenu de plus en plus difficile. Ouais. Et même pour les groupes, généralement... qui joue, ben oui, mais écoute, je vais pas te passer ma batterie, si tu cognes pas comme il faut sur la peau, tu vas me trouver la peau. Ça devient, il faut vraiment une bonne entente avec des groupes aussi pour passer le matos, l'ampli, des choses comme ça. Et voilà, c'est bien, c'est très bien de pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, il y a 20 commerçants et une quarantaine de bénévoles. Voilà. Et l'avantage, c'est que là, pour la batterie, tu parlais de la batterie, chose inattendue, la batterie est prêtée par l'organisateur, Julien Boucher. Qui est donc, batteur, donc, je suppose. Oui, voilà. Donc, il met à disposition la batterie. D'accord. Et justement, 40 bénévoles autour d'une table pour discuter, une réunion, des fois, vous n'avez pas envie de vous taper sur la gueule? Alors, heureusement, on n'était pas tous là. Donc, heureusement. Donc, ça veut dire que des fois, vous risquez de vous taper sur le coin de la gueule, quoi. Non. En réalité, on était, peut-être entre 10 et 20 personnes, je me suis très bien rendu compte, on a vite bu un coup en fait, donc je me suis pas rendu compte de combien de personnes on était. L'excuse de la réunion pour dire allez, viens boire un petit coup à la maison. Ça, c'est encore une chanson, mais bon, merci, ouais, coucou, voilà. Bézu. Là, il y a le guitariste de l'Expander qui nous regarde parce que j'étais avec le batteur pour le coup. Il nous regarde, genre, ah, ouais, d'accord, ouais, donc ça s'est bien passé la réunion. Ils nous ont dit que, mais bon, ça s'est bien passé quoi. Donc, non, la réunion s'est très très bien passée. Comme je t'ai dit, j'ai passé un super moment. On pensait s'ennuyer, on pensait se dire, mais. Ça aurait pu être réglé par email ou c'est souvent ce qui se passe maintenant, malheureusement. Mmh. On a de moins en moins de contacts humains avant un concert. Tout à fait. On envoie un mail, on dit ouais, bah, pour la batterie, un tel ou un tel, pour l'ampli, pour ceci, pour cela, enfin voilà, pour les bénévoles. Et là non, c'était une vraie réunion. On a bu un coup, enfin voilà, c'est une réunion comme on faisait à l'époque, ou une répète comme tu faisais quand t'étais gamin, quoi. T'as vraiment le côté, on boit un coup, on discute, ok, toi tu veux faire quoi? C'était ok, j'ai tel bénévole, alors pour la buvette, qui? Donc là, tout le monde me venait à main, forcément. Mais bon, il fallait en sélectionner, donc voilà, c'était un peu, ça s'est dispatché comme ça, naturellement, en fait. Et est-ce que vous avez déjà pensé, éventuellement, de pouvoir, c'est une question que je pose maintenant, de laisser le choix, peut-être, à certains enfants atteints d'autisme, de faire leur sélection de groupe. Par exemple, leur dire, ben voilà, on va vous passer, les amis, on va vous passer 5-6 galettes ou des EP, et le groupe que vous avez envie de voir sur scène, ben on va, vous allez pouvoir sélectionner votre groupe. Est-ce que vous avez peut-être pensé à cette idée-là aussi pour leur donner encore plus l'impression de vraiment être dans le moule complet avec vous? Ouais, de les mettre, co-organisateurs, voilà, de ce festival, tout bêtement, il faut appeler un chat un chat. Je vais leur soumettre l'idée parce que je pense qu'elle est très bonne, t'as toujours de très bonnes idées, donc je pense que je vais t'appliquer si tu permets, et puis je vais leur soumettre parce que ça peut être pas mal, ça peut promettre certainement, à mon avis, des débordements sympathiques, mais tout dans la bonne humeur, donc je pense que ça peut vraiment être pas mal pour les enfants, et, sachant que les autistes, alors il faut le savoir, généralement les enfants autistes et les ados jusqu'aux jeunes adultes sont très très très créatifs, sont de très grands artistes, malgré ce qu'on peut en penser. C'est souvent la barrière physique, parce que l'autisme se voit à une certaine limite, il commence à se voir, et des fois il se voit énormément. Et on a souvent cette barrière des préjugés physiques, en fait. Donc voilà, ce sont de très grands artistes, donc ça peut être une très très bonne idée, à mon avis, que je vais soumettre. Et en plus, enfin moi je sais pas, mais ça pourrait aussi peut-être leur dire... Bah... j'ai sélectionné ce groupe, ben, j'ai envie de les voir maintenant. Ils sont là. Je ne vais pas me cacher derrière eux. Je vais me déplacer pour aller les voir parce que c'est mon groupe, c'est moi qui l'ai choisi. Je crois que ça leur donne aussi une importance dans la vie en disant je vais me déplacer pour aller les voir. Ouais, ça pourrait peut-être apporter une autre dimension à ce concert. Tout à fait. Ouais, je pense aussi. Très voilà. Très bonne idée. On va s'écouter un titre, Herman Frank, ça vous parle peut-être pas, mais si je vous dis Accept, membre du groupe Accept, Balls to the Wall, le fameux Udo qui a quitté Accept. Et là, Herman Frank, qui est un gratteux. Et on va s'écouter, l'album s'appelle The Devil Ride Out. Et on va s'écouter Shout, qui n'est pas la chanson de Tears for Fears, mais tout simplement le titre Shout de Herman Frank. Une véritable tuerie quand même, Herman Frank, avec Shout, The Devil Ride Out. Donc, on va rappeler les groupes aussi, Julie, qui joue ce samedi. Ouais, alors en ouverture, on a DCA, donc le groupe 1 qui est de 85 et qui était un peu absent mais qui revient en trombe, All Expander et Tokyo Tapes en tribute de Scorpion. Voilà. Donc rendez-vous à ne pas manquer dès 20h. Petit rectificatif aussi, si vous êtes nombreux à y aller, partez tôt quand même, car les places sont assez chères. On ne paye pas les places pour se stationner, je veux dire, c'est de trouver une place assez facilement près de la salle. Alors, il y a un parking juste derrière la salle qui va être ouvert pour l'occasion. Ah, mais ça c'est bien, parce que la dernière fois que j'y suis allé, à Mamez, j'avais pas de place, j'ai dû me parquer à Titi Ouzout. Oui, mais là, ils ont bien fait la chose, et il y a un grand parking en fait derrière la salle, et ils vont l'ouvrir pour l'occasion. Justement pour éviter les problèmes de stationnement. Est-ce que éventuellement ce sera fléché aussi, tu ne sais pas, pour certaines personnes Pire, je collerai les flèches moi-même. Non, mais je veux dire, parce que c'est bien qu'il y a une nationale, et puis à un moment donné, on va tourner à droite, ça dépend de quel côté on va. Si on vient de l'autre côté, on tourne à gauche, fatalement. Mais je veux dire, c'est à un moment donné dans une petite rue près de l'église, hein. c'est ça. Hein. Alors là, en fait, quand vous entrez dans Mametz, vous suivez mairie, puisque c'est la salle du Millennium et c'est la salle qui est derrière la mairie. Donc vous pouvez pas vous planter, quoi. Si vous arrivez à trouver la mairie, vous êtes sûr de trouver la salle. D'accord, voilà. Donc on retient 20h, 3 groupes, DCA, All Expander et Tokyo Tapes, qui est le titre aussi d'un album de Scorpion qui a été enregistré. Exactement. À Tokyo, donc à l'époque, avec Francis Buchholz, Herman Rarbell, Uli John Roth, qui était son dernier concert d'ailleurs. Uli John Roth, après, il avait décidé d'arrêter, tout simplement. C'était en quelle année, ça? Non. Bien avant. Oui, parce qu'il y avait quand même l'album Virgin Killers, Tokyo Taken by Force, Fly to the Rainbow, et puis après, donc il y avait In Trance, et puis après, donc c'était, donc je dirais 78-79. Ouais, donc avant 80. Avant 80, parce qu'après il y a eu, oui, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais après il y a eu l'album Animal Magnetism, Love is Drive, et puis après le fameux Blackout, donc oui. Voilà. Et tout ça de mémoire parce que je l'ai pris de cours. Alors, au prochain titre, c'est Civil War avec quatre ex-membres de Sabaton, parce que Sabaton aussi, c'est un groupe que j'affectionne très particulièrement. Mais là, c'est Sabaton. Ils ont fait un nouveau groupe qui s'appelle Civil War. Ils sont restés dans le même esprit, guerre. Et là, on va s'écouter America, non pas le titre de Rammstein, America. Et on va s'écouter donc ce titre américain extrait de l'album The Last Fuel Maser. Your plan. think of you again, the place where I learned how to climb. You will always be my heart and my soul. It's the only prayer I know. But now this is my hope, my hope. Voilà, ça reste vraiment du sabaton pur et dur, hein, quand même, un Civil War, avec le titre America. Donc voilà, il est bientôt l'heure de se quitter. Ben moi, je vais remercier Julie d'être venue, et aussi son comparse. J'ai dur à prononcer ton prénom. Allez, je te laisse dire, hein, vas-y. Eddie, il est un peu timide, Eddie, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais il viendra nous reparler avec ses deux comparses de leur album bientôt. Par contre, si vous voulez le rencontrer, il est super sympa. Et il ne porte pas des spandex, même si c'est l'époque du glam, c'est comme on parlait tout à l'heure. Mais il sera, bien entendu, samedi. À la salle de... Du Millennium. Ouais. Voilà, donc c'est super, et retenez bien cette date, allez-y, en espérant que le temps sera aussi de la partie pour la route, parce qu'il y a quand même de la route à faire, et soyez prudents, quoi. Et encore une fois, c'est pour le profit pour les enfants autistes. Il n'y a pas que les enfants qui sont touchés à l'autisme, ça va aussi aux jeunes adultes, et puis quand on l'est, malheureusement, on reste avec, hein, ça c'est sûr. Voilà. On va s'écouter un groupe italien, Hollywood Groupies, un groupe qu'on a rencontré à Courtrai il y a 2 ans maintenant, qui faisait la première partie de Udo avec d'autres personnes, je ne saurais plus dire qui. Donc il y avait 3 groupes et c'était Hollywood Groupies qui j'avais bien aimé quand même. On va s'écouter Get to You et on se retrouve tout de suite après pour se dire au revoir avec un autre titre. L'album s'appelle From Ash to the Light. Hollywood Groupies, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, c'est vraiment pas mal. Hollywood Groupies, Get to You, From Ash to Light, c'est le titre de l'album. Alors voilà, les amis, je vous remercie d'être venus. C'est moi qui te remercie de nous avoir reçus. Oui, mais bon, il faut pas hésiter. C'est un peu comme nous ici, là, dans Rive d'Enfer, c'est un peu comme les vampires, tu vois. Une fois que vous avez passé la porte, vous pouvez venir quand vous voulez. On est mordu. C'est un vampire, c'est comme ça. Une fois que tu l'invites à rentrer chez toi, le vampire, il se permettra de revenir tout le temps. Si, okay. Maintenant, si tu connais un vampire, tu le fais pas rentrer, il viendra jamais te sucer. Le sang. Le sang. Je vais te préciser. Heureusement que je suis une femme. Non, mais quoi que. Quoi que, c'est vrai. On peut sucer le nez. C'est vrai. Non, mais voilà. Donc, vous êtes des bienvenus et vous revenez. Et moi, j'espère vous voir et te voir avec tes comparses dans 2 mois, on va dire. Allez, on va dire 3 mois maintenant, le temps que tout soit finalisé, le mastering soit terminé, le pressage. Et vous voir pour venir parler de la nouvelle galette. La première galette après le EP. Quoi. Voilà. Ça serait plaisir. Sans en dire trop en plus, le livret, parce qu'il y aura un vrai livret dans l'album. Je suppose que je connais la personne qui a fait les photos du livret. Ah, elles ne sont pas encore faites, mais en effet, c'est moi qui fais les photos. Et il y a un modèle femme, je n'en dis pas plus, mais il va être très torride. Mais ça va, c'est pas moi alors. Quoique j'ai les cheveux assez longs pour, mais ce n'est pas moi. Quoique j'ai peut-être de la poitrine aussi, mais non, mais c'est pas moi non plus. Alors. Voilà, merci. Donc j'espère avoir contribué de la part de Rive d'Enfer à cette activité qui a vraiment le mérite d'exister, même si ça ne devrait pas exister, ce genre de choses. Mais bon, donc, et que vous ayez beaucoup, beaucoup de monde. Bon, je ne dis pas qu'on va venir, mais on essaiera de faire notre possible pour être présent. Voilà. Ok, je t'en remercie. On essaiera de notre possible. Nous, on va se quitter avec Live in Sea, avec Living. L'album s'appelle, encore une fois, Frozen Hell. Il y a beaucoup de Frozen aujourd'hui, mais quoique, il fait froid dehors quand même. Hein. Alors, Live in Sea, c'est tout de suite, c'est maintenant. Merci les amis, et on se retrouve très très bientôt. Ciao. Bye. It's all slipped away.